Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Alors dans le journal de l'Histoire ce matin, une exposition et une question. Comment faire après la disparition des témoins pour transmettre l'histoire de la Shoah ? Les historiens sont là, bien sûr, pour exposer et diffuser leurs recherches, mais les témoins constituaient un des piliers pédagogiques du processus de transmission adopté depuis les années 80. Les signes d'antisémitisme dans l'espace public posent de nombreuses questions sur notre époque, parmi lesquelles, comment l'histoire de l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale peut-elle contribuer à combattre ce retour de la haine ? Pour soutenir cette réflexion, la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah, La Voix des Témoins, s'empare de l'histoire de ces témoignages de rescapés, de leur visibilité, de leur publicité, de leur collecte et de leur chronologie. Les survivants se sont fait témoins pendant l'événement lui-même, à commencer par les documents enfouis par les Sonderkommando de Birkenau et les collectes clandestines dans les ghettos polonais initiées par Emmanuel Ringelblum et ses proches. Les témoignages écrits ensuite ont raconté les expériences des camps de la mort. Mais il a fallu deux événements pour que ces témoignages parviennent à se faire entendre. D'abord, avec le procès Eichmann en 1961, largement retransmis par les médias occidentaux. Ensuite, avec le détour par la fiction américaine qui l'emporte pour longtemps, grâce à la série Holocaust en 1978. C'est l'un des films les plus puissants jamais faits. C'est mon pays autant que leurs. I do not fear those barbarians. Riveting, fascinating, an uncommonly valuable achievement, says Time magazine. I am still not convinced they intend to kill us all. Please, Samuel Weiss, if you don't, I will kill him. And the New York Post says every American family should see Holocaust. Des collectes de grande ampleur sont organisées, notamment par l'université de Yale, qui invente avec des psychologues et des historiens, parmi lesquels Annette Wieworka, un protocole de collecte de témoignages de rescapés, apte à se confronter au discours sidérant du négationnisme porté par Robert Forisson à partir de la fin des années 70. Un programme universitaire bientôt dépassé par la force de frappe médiatique d'une collecte massive et planétaire initiée par Steven Spielberg dans la queue de comète de son film « La liste de Schindler ». Cette collecte atteint aussi ceux que l'on n'avait pas pu entendre jusque-là, les rescapés des pays de l'Est et d'Europe orientale, de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la guerre froide. L'enregistrement des témoignages des victimes survivantes de la Shoah a été massive, en tout cas ceux des victimes qui acceptaient d'en parler ou qui en étaient capables. Un archivage de grande ampleur qui pose la question de ses usages, une fois l'urgence de la collecte passée et les témoins disparus. Over the last two decades, I'd always hoped that the film and the Shoah Foundation would know no bounds of age or generation or no bounds of geography. I'm here to announce the next step in the mission of the Shoah Foundation, the Eyewitness Video Challenge. Students will listen to testimonies from eyewitness. They'll develop insight into how to use those testimonies to draw conclusions about how they can better their communities. Aujourd'hui, la question se pose à une nouvelle génération qui s'empare de la tâche de continuer à faire et transmettre cette histoire. La génération de ceux qui ont entendu directement ces témoignages, qui ont connu les témoins et se sentent aujourd'hui dépositaires et surtout passeurs de cette expérience. Des témoins d'une nouvelle nature, les témoins du témoin, auxquels se pose la question de savoir que faire de ce massif de témoignages qui n'aura jamais eu plus de valeur que dans les années à venir. Merci beaucoup Anaïs. L'exposition La Voix des Témoins, c'est au Mémorial de la Shoah jusqu'au 3 janvier 2021. Et pour aller plus loin, pour télécharger ou réécouter le journal de l'Histoire, eh bien rendez-vous sur le site internet franceculture.fr.